Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir bravé les virus. Vous en avez rien à faire, vous avez raison. Et vous avez eu raison de venir parce qu'aujourd'hui on reçoit Marianne Henkel. Marianne Henkel, c'est une longue histoire parce que c'est un peu notre grande sœur. Elsira de Lausanne, c'est notre grand frère. L'histoire, ça remonte à 1957, ça a été créé à Lausanne, puis ça a été à Genève, c'est revenu à Lausanne. Et Marianne, je ne sais pas si à quelle année tu as commencé à t'occuper de ça, mais tu es tombée dedans. Vaut mieux vous pas le dire. Vaut mieux pas le dire. Donc après, vous calculerez son âge. Donc Marianne, elle est une des animatrices, hein, parce que maintenant, il y a une équipe qui est prête à prendre la relève, et c'est très bien, il y a un beau local dont vous êtes presque propriétaire, je crois. Donc après, on pourra parler du... Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur le CIRA Lausanne. Donc le CIRA Lausanne a été créé en 57 et le CIRA Marseille a été créé en 65. C'est une histoire avec René Bianco, qui était un historien, qui est en relation avec la Suisse, qui au début collectait des documents pour amener en Suisse. Et puis petit à petit, on en a eu tellement qu'il a fait un deuxième CIRA. Et puis le CIRA d'ici est devenu autonome. Il y a des choses qu'on a et qu'ils n'ont pas. Et vice-versa, bien sûr. Marianne, à part s'occuper du CIRA, ce qu'il occupe quand même un certain nombre d'heures par jour et la nuit, elle est historienne, donc elle s'intéresse à l'histoire, elle a écrit des tonnes d'articles, des bouquins, alors pas mal sur l'histoire de la Suisse anarchiste, la Fédération jurassienne, des choses comme ça, des articles dans des revues d'histoire locale. Elle participe au Métron. Donc le Métron, vous savez que c'est un dictionnaire biographique. Il y a une partie sur des militants anarchistes. Et maintenant, ça mérite d'être en ligne. Donc vous n'êtes plus obligé d'acheter le bouquin. Et on peut... Et c'est remis à jour sans arrêt. Alors il y a des notices qui sont... Bon, pas forcément... Enfin, sur des gens en vie. Elles ont été faites par les personnes elles-mêmes. Donc ça mériterait un peu plus de recul. Mais il y a des choses très très sérieuses. Ça vaut vraiment le coup. Et donc ça aussi, c'est bien plusieurs réunions par an, j'imagine. Et puis, alors là, aujourd'hui... Ah oui, puis elle fait partie d'une revue... j'ai dit qu'elle faisait partie de revue, mais notamment Réfraction, qui existe depuis maintenant, je crois, 20 ans, voire 23 ans, peut-être, et qui a le mérite de paraître deux fois par an, d'exister toujours, contre vent et marée, c'est pas mal, quand même. C'est une longévité comme ça, puis une revue, quand même, bon, après... On en pense qu'on veut, mais c'est quand même des articles de qualité, il y a un côté de rédaction, etc., des thèmes. Alors aujourd'hui, Marianne vient nous parler d'un anarchiste qui est parti au bagne, je ne vais pas vous raconter, qui s'appelait Clément Duval. Alors ce bouquin, il a une histoire, elle va nous raconter comment le manuscrit est arrivé dans les mains du CIRA Lausanne, et puis surtout, ce bouquin a été édité il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, elle est venue le présenter. Avec quelqu'un, alors c'était les éditions de l'atelier, alors est-ce que c'était Michel Cordier, Pelletier ou... Pelletier. Qui était venu avec toi. Oui, non, c'est possible. Il l'a proposé après l'avoir proposé à quelques autres éditeurs. Voilà. Oui, mais quand t'es venu te présenter au CIRA, il y avait quelqu'un avec toi, et je sais pas si c'est... Oui, il me semble que c'était toi, Pelletier, qui était là. T'étais pas toute seule pour te présenter, en tout cas. Il y a 30 ans. Il faudrait trouver dans les archives, j'ai pas le temps de fouiller. Bon, donc ce livre est réédité par nos amis des éditions NADA. NADA, c'est notamment David Doyon qui s'occupe aussi d'une structure de diffusion des éditeurs, on va dire libertaires au sens large, qui s'appelle Obo Diffusion. Mais il publie quand même maintenant 6 ou 7 bouquins par an, des bouquins de qualité. Bon, donc si on choisit celui-là, c'est qu'il y a une raison. Et maintenant, je te laisse parler. Si tu as oublié quelque chose, on en parlera plus tard. Ah, merci. Alors, oui, ce bouquin, il a une drôle d'histoire. Parce que, comme l'a dit Philippe, j'essaye de me centrer un petit peu sur l'histoire des anarchistes en Suisse, parce que c'est là que j'ai des sources, c'est là que je vis. Donc, je n'étais pas prédestiné à m'intéresser au bagne. Et il y a 40 ans, j'étais à New York et j'ai rencontré des vieux anars italiens, dont l'un en particulier, qui avait toujours sous un faux nom. Il avait deux fils professeurs d'université, il était tout à fait. Mais non, personne n'avait son adresse, personne ne savait son nom, on connaissait son pseudonyme. Et il avait été le dernier rédacteur d'une. d'un journal anarchiste en italien qui s'appelait La Donata dei Refrattari. Donc je l'ai rencontré chez des tiers d'abord, et puis ensuite, quand il s'est mis à me faire confiance, il m'a invité chez lui et m'a montré des fonds d'archives qu'il avait, tout ce journal qui avait été créé dans les années 20 et qui s'est terminé dans les années 80. Il avait toute la collection, ça avait été un homme de Madère pendant longtemps. Et puis, en partant, lui et sa femme m'amènent au métro, elles mettent dans mes mains une grosse enveloppe, en me disant « Attention, le métro, c'est dangereux pour une jeune fille comme toi !» Ouais, j'étais jeune à l'époque. 40 ans. « Tu verras ça, n'y touche pas !» Ça me brûle un peu les mains. Et quand je suis arrivé là où je logeais à New York, j'ouvre l'enveloppe et c'était le manuscrit de Clément Duval. Alors, Clément Duval, c'était un de ses nombreux danards assez anonymes, mais il y avait un gros bouquin que toutes les bibliothèques anarchiques italiennes avaient, « Le Memorie di Clemente Duval », pavé comme ça, rouge, plus de 1000 pages, traduit et publié par Luigi Galleani, qui était un de ces anarchistes un peu, qu'on appelait anti-organisateur, anti-organisation plutôt, qui était pas mal pour la spontanéité, l'auto-organisation, qui avait été aussi actif dans ce journal La Donata dei Refrattari, et qui avait connu Clément Duval quand il s'est évadé du bagne. Il a été accueilli à New York par les amas français et italiens. On l'appelait le grand-père. Et Galeani avait encouragé Duval à raconter ses 14 années de bagne et l'avait traduit. Alors, c'était pas. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le texte original, il faut dire. On ne fait pas ce qu'on dit traduttore, traditore, c'est plutôt qu'il a mis beaucoup de crème chantilly sur le texte de Duval qui est très. Ah, Duval, c'était un serrurier âgé qui sortait de 14 ans de bagne, il n'avait pas la plume très facile. Et puis, moi je me suis beaucoup attaché à son style, une espèce de style non-style. Il raconte de manière assez brute, mais il y a beaucoup de dialogue dans son texte, il y a beaucoup d'impressions. Il se met un peu en avant, mais pas comme s'il avait un grand message à transmettre. Il parle avec beaucoup de cœur de ses compagnons d'infortune. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment utile de publier le texte d'origine, bien que toute une partie du manuscrit soit perdue dans les exils et les déménagements d'hiver. Elle est sans doute introuvable. Alors, revenons à Duval. Je disais que c'est un texte attachant, mais c'est un texte épouvantable. La vie au bagne, pour les anards ou pour les droits communs, c'est complètement effroyable. C'est vraiment surveiller, punir, aucun projet de réhabilitation ou de réinsertion. C'est vraiment l'humiliation quotidienne, les travaux idiots, du genre qu'on transporte des pierres d'un côté à l'autre et puis après on les remet au même endroit, on arrache de l'herbe à la main, et la bouffe est dégueulasse, les conditions de ces hommes entassés dans des baraquements, je vous dis pas, enfin bon, on n'a pas de photos, on n'a pas de film, il y a eu des choses qui ont été écrites plus tard, mais Duval est le premier anarchiste, le premier politique, si on veut, qui a été envoyé en Guyane en 1887, après toute une période où. Donc il y a eu le premier bagne en Guyane après 1848, On envoyait des masses de gens. Mais c'était souvent des lettrés, des gens de la classe supérieure qui n'étaient pas aux travaux forcés, qui étaient en exil, mais qui n'étaient pas aux travaux forcés. Donc ils sont organisés, ils ont essayé de survivre entre eux, aussi en perdant leurs dents et en crevant, et en tas de maladies, etc. Et puis ensuite, le bain politique a été déplacé en Nouvelle-Calédonie. Donc vous avez tous lu des mémoires de réfugiés de communards qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie, Louise Michel la première, mais tant d'autres aussi. Et puis les autorités françaises ont trouvé que le climat était trop bon en Nouvelle-Calédonie. Les gens tournaient les pouces à la plage, ils cueillaient des noix de coco, et je ne sais pas trop ce qui se pousse là-bas. Donc, voilà, ils revenaient en bonne santé. Ou ils vivaient là-bas en bonne santé. Et ce n'était pas le but, c'était vraiment de les faire crever, de les humilier, de les blesser, de les torturer de manière indirecte. Et puis il y avait cette colonie de Guyane qui avait un climat épouvantable. On n'arrivait pas. Il y a eu des tas de tentatives d'amener des populations, des Arabes, des Africains. Surtout plus tard, qu'il y a une population des montagnes du Laos qui a été déplacée là-bas et qui s'est plus ou moins acclimatée, qui fait pousser du cacao à l'intérieur du pays. Sur la côte, il y a des insectes et des animaux nuisibles à l'homme, ou peut-être qui défendent leur territoire, je ne sais pas, mais vraiment, c'est le climat est extrêmement humide, extrêmement chaud, marécageux. Donc le projet, c'était quand même que les bagnards allaient développer la Guyane. Alors, première chose, il faut faire une route. 1000 morts par kilomètre de route. Un mort à chaque mètre. Et la route avance pas très vite dans ces conditions-là. Ensuite, il y a eu plusieurs sites pour les bagnes. Et les gens les plus méchants, on les mettait aux îles du Salut. Donc il y a trois îles. L'île Saint-Joseph, l'île Royale et l'île du Diable. Et là, c'est beaucoup plus difficile de s'évader, parce que c'est plein de requins. Chaque fois qu'il y a un mort, on le jette à l'eau, et puis les requins arrivent rapidement pour nettoyer la place. Donc la vie dans les îles, on rêve tout le temps, bien sûr, d'évasion. C'est ça qui permet aux gens de survivre, de garder un dynamisme. Mais c'est rarissime que les évasions réussissent. Ensuite, ce qu'on a très peu dit pendant très longtemps, c'est que sont envoyés aux travaux forcés non seulement des gens qui ont commis des crimes graves, selon la justice, mais aussi des récidivistes ou des gens qui ont eu plusieurs condamnations. Si on a eu trois condamnations pour vol de lapin, ben la quatrième, on est envoyé au bagne, parce que on est irréductible. Et si on est condamné à plus que 8 ans, on doit doubler. C'est-à-dire qu'on doit rester 8 autres années avec un statut de libéré, qui veut en bref dire qu'on a les mêmes conditions, sauf qu'on n'a pas le gîte à couvert, on n'a pas la pension complète. Donc il faut se débrouiller, pour trouver des petits boulots, pour construire une case, faire un potager. Voilà, donc c'est quelquefois, il y a tout autant de gens qui crèvent quand ils sont libérés, détenus libérés, que quand ils sont aux travaux forcés. Ça, c'est vraiment très déprimant. Et Duval raconte ça, mais il raconte tout le temps une histoire de résistance, une histoire de dignité face à vos humiliations permanentes. Ah, yeah, c'est hiérarchie, c'est... Il refuse qu'on tutoie, par exemple, parce que voilà, les gardiens tutoient les détenus, mais les détenus sont censés leur donner du commissaire ou du commandant. Il refuse, il est serrurier de métier, il refuse de travailler comme serrurier parce qu'on lui ferait faire des menottes et affûter le couteau de la guillotine. À un moment, il travaille quand même comme serrurier parce qu'il a compris qu'il pouvait bricoler quelques serrures qui pouvaient être utiles pour entrer là où ce n'était pas permis d'entrer. Il est tout le temps solidaire avec ses copains, il ne vend jamais personne. Il dépanne, il est... Et c'est lui qui le raconte, mais les témoignages qu'on a à son propos convergent tous. C'est le bon papa du Val, en fait. Il est pas, probablement plus âgé que la plupart des détenus, qui sont souvent des jeunes gens. Lui, il a 37 ans quand il arrive au bagne. Il a fait la garde 70, il a des rhumatismes aux jambes, il a les pieds déformés. Et puis il va quand même tenir le coup. 14 ans et après 17 tentatives d'évasion ratées, il arrivera à la 18e. Donc c'est à la fois un texte sur les conditions de ces premières années du bagne, à la fois une histoire des anards qui ont été envoyés, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent après Duval. Toutes les vagues depuis Ravacheur, donc depuis 1892, 1894, il y a de nouveau une vague. Enfin, il y en a tout le temps. Donc à chaque convoi, à chaque arrivée de bateau qui arrive de Toulon ou de Saint-Martin-de-Ré, on attend impatiemment les compagnons. Et malgré la coupure qu'il y a entre le continent et la colonie, les nouvelles circulent. Un jour, deux jours après... l'exécution de Sadi Carnot par Caserio, Duval est au courant par quelqu'un. Il y a un télégramme, et puis il y a un autre bagnard qui travaille pour nous dans les bureaux et qui a appris ça. Donc voilà, on se réjouit ensemble. Un président en moins, et puis peut-être que ça va venir des compagnons au bagne, c'est un peu curieux, mais sans se réjouir du fait qu'il y a des compagnons arrêtés. On dit, si on est plus nombreux, on va pouvoir plus faire des choses ensemble, reconstituer des groupes, discuter, se serrer les coudes. Parce que le bagne ne manque pas de mouches, de donneurs. À l'époque où j'ai transcrit ça, il n'y avait pas beaucoup de littérature sur le bagne, puisque tout le monde disait que c'était papillon. Alors Papillon, c'est d'une part, il invente les trois quarts des choses en s'attribuant des évasions et des événements qui sont arrivés à d'autres. Et d'autre part, il est tout le temps, il est odieux parce qu'il est tout le temps du côté du manche. Il rend des services au commandant, il sauve la petite fille qui allait se noyer, la fille d'un gardien. Et il essaie tout le temps de se faire bien voir. Donc, il n'est pas du tout solidaire avec ses co-détenus. Et donc, c'est vraiment l'inverse de Duval. Et dans les mémoires de Clément Duval, il parle de plusieurs personnages qui essayent aussi de se faire bien voir, donc de se faire gracier, parce qu'ils auraient. Ils prétendent donner des copains, ils prétendent avoir découvert des billets en écriture secrète, des conneries comme ça. Et Duval résiste toujours, mais il va pas se venger de la personne qu'il a donnée. Il démolit la présentation, et puis il trouve que c'est quelqu'un de tout à fait méprisable et infréquentable, mais il va pas essayer de le faire condamner plus gravement ou quoi que ce soit. Juste, il garde ses distances. Alors, bon, je vous disais, j'ai reçu le texte il y a 40 ans, je l'ai laissé reposer quelques temps, je ne savais pas trop qu'en faire, je n'avais pas beaucoup d'expérience non plus de trucs comme ça. Finalement, j'ai transcrit. j'ai vu ce qui existait. Alors à l'époque, je vous dis, il n'y avait pas beaucoup de bouquins sur le bagne. Un qui m'a beaucoup stimulé, c'est un livre d'Odile Krakowicz sur les femmes bagnardes. Et ça, c'est un livre magnifique que je vous recommande, parce qu'elle parle... Voilà, j'évoquais Louise Michel tout à l'heure, et quelques-unes de ses copines qui ont été envoyées en Nouvelle-Calédonie. Mais la plupart des femmes qui sont au bagne, il n'y en a pas des milliers. Peut-être, comme vous savez. Mais c'est des boniches, c'est des petites vendeuses, c'est des... Par exemple, il y a beaucoup de cas d'infanticide. C'est toujours des filles qui étaient bonnes chez les riches. Puis c'est le fils du patron qui aurait dû être condamné. Et donc on sait très très peu de choses sur elles. Elles n'ont pas écrit, elles n'avaient pas de famille à qui écrire. Donc on n'a pas, il y a très très peu de traces. Et Odile Krakowicz a fait un bouquin qui est tellement plein de rage et de dénonçant ces horreurs complètement hors d'elle par ce qu'elle a découvert, que ça m'a stimulé à y aller aussi, pas de main morte. Parce que je pense que même si ça n'existe plus, voilà, ça a brisé la vie de littéralement de dizaines de milliers de personnes. Les chiffres sont terrifiants. Sur 70 000 personnes envoyées au bagne, il y en a à peu près 5 000 qui sont montées en France. Les autres sont morts. Quelques-uns évadés dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils ont probablement été bouffés par les requins ou ils ont fini dans l'anonymat. Ils sont souvent en très mauvaise santé. Donc, il y a des récits, des témoignages de vie. Donc on trouve des traces pas loin d'ici, aux archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence, où les dossiers sont complètement cruels. Machin truc, né, le, de, etc. Profession apprise avant d'aller au bagne. Donc avant d'aller au bagne, ils passent souvent plusieurs mois, soit d'abord à Toulon, ensuite à Saint-Martin-de-Ré. Pour les trier, pour attendre un bateau, etc. Alors, profession apprise, effilocheurs. Ils sont tous effilocheurs. C'est-à-dire qu'ils font de la charpie avec des vieux tissus. Beau métier. Ensuite, anarchiste très violent, à surveiller de très près. C'est un type qui a été condamné après trois vols de lapin, il a crié vive l'anarchie sur une terre de bistrot. C'est plein des choses, une banalité, une tristesse. Et puis après, on reconstitue les condamnations, 6 mois de cachot, 15 jours de cellule, etc. Et puis les évasions. Alors, évasion le 23 mars, repris le 24 mars. Évadé tel moment, repris tel moment. Condamné à 2 ans de double chaîne. Et puis, il y en a, on voit pendant 5 ou 10 ans, ils s'évadent tout le temps. Puis ensuite, ils en ont marre, et il y a encore 20 ans. Il y a encore 20 ans là-dedans, totalement découragés, sans plus aucune force pour essayer de partir. Donc voilà, c'est vraiment pas drôle. Mais en même temps, il y a. Voilà, il y a cette éthique des anarches qui est envers et contre tout, dans le milieu le plus hostile qu'on puisse imaginer. Et ça, je trouve, c'est encourageant, c'est fort. Duval, donc, il était dans un serrurier, souvent au chômage. Probablement qu'il ne gênait pas de dire son fait au patron. Il était membre du groupe Droit Panthère des Batignolles à Paris. Et un jour, il fait un casse chez une dame riche. Et il va revendre les bijoux à un bijoutier qui le vend. Enfin, qui, au lieu de vendre des bijoux, il vend le mec. Il le dénonce au sergent Rossignol, le sergent Rossignol, ou brigadier qu'il était à l'époque. S'approche de Duval et lui dit au nom de la loi je vous arrête, et Duval lui dit au nom de la liberté je te tue. Puis il lui fait une enfilade au mais bon, résistance à la jambe après quelques autres condamnations, ça vaut la peine de mort. Mise en danger de la vie d'un agent. Bien que Rossignol par la suite montait en grade et racontait dans ses mémoires qu'il trouvait que Duval était quasiment la légitime défense qu'il avait exercée. Mais quand même, Duval l'avait mordu au pouce, il l'avait failli perdre au bout du doigt. Alors Duval est arrêté et il fait une plaidoirie qui est magnifique, qui est reproduite là. Il existe plusieurs versions, mais c'est des petites nuances. Mais c'est là qu'il dit « je ne suis pas voleur, mais un volé ». Il dénonce les conditions de travail, il dénonce les maladies professionnelles, notamment dans les miroiteries où on faisait des miroirs avec du mercure, le blanc de céruse, qui est de ces maladies qu'on a connues. Donc, voilà, en 1886, les ouvriers anarchistes connaissaient les maladies professionnelles qui ont été reconnues, je ne sais pas quand, combien d'années plus tard, par les assurances, par la sécurité sociale, par les autorités. Donc il fait vraiment le procès de la société et de du système judiciaire aussi. Raison de plus pour le condamner à mort, et puis ensuite quand même son avocat, qui est Maître Laborie, qui sera le défenseur de Dreyfus par la suite, tout jeune avocat, le persuade de faire recours et il est condamné à la perpétuité, contre renforcé à la perpétuité, ce qui laisse quand même un peu plus d'espoir de s'évader que la guillotine. Donc voilà, il raconte tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais pas retrouvé l'entier du manuscrit. J'ai publié l'essentiel, pas absolument tout, parce que il y a des passages qui sont répétitifs. Je dis toujours la même chose, hein. On prend les pierres, on les met là, on prend les pierres, on les met là, on se fait engueuler par les surveillants, on se fait convoquer chez le commandant, on se fait mettre où ou faire double chaîne, donc passe la nuit avec des menottes ou des, je sais pas comment ça s'appelle, aux chevilles. Des entraves, oui. Donc toute la nuit, on est menotté aux pieds et aux mains, ou enfermé dans des cellules sans aveugles. Enfin, voilà, je ne sais pas comment on survit dans ce milieu-là, mais en fait, on survit. Et donc, il y a des passages que j'ai éliminés parce que vraiment, ils étaient extrêmement répétitifs. Et je ne trouvais pas que ça renforçait tellement l'argument. J'ai essayé de les résumer. J'ai tracé beaucoup de biographies des compagnons de chaîne. Des gens qui sont des anarchistes qui sont arrivés après lui, puis quelquefois en racontant brièvement ce qu'ils sont devenus. Et puis il y a un épisode auquel il n'a pas participé, mais qui raconte brièvement et que d'autres ont raconté, c'est la révolte à l'île Saint-Joseph en 1894, où c'est la première, semble-t-il, la première révolte, et une des rares révoltes collectives. Contre les gardiens, qui est réprimé dans le sang, c'est-à-dire que la douzaine d'anarchistes qui étaient sortis des cases, qui étaient partis dans la nature, qui grimpaient dans les arbres, cachés dans les grottes, ils se sont tous fait descendre, sauf deux qui ont été condamnés à la prison, à la cellule, à des peines encore plus graves, et qui sont morts en tombe. Donc ça a quand même... La répression de cette révolte a quand même suscité pas mal d'émoi dans la presse, et aussi une réaction... Bon, c'était peu avant que Dreyfus soit envoyé aussi au bagne. Alors lui, il était à l'île du diable. On dit souvent que le bagne, c'est l'île du diable. Mais à l'île du diable, c'est une île très petite où, à cette époque-là, il n'y avait que, justement, les condamnés pour trahison. Donc, il y a une... Dreyfus est seul dans sa case avec des gardiens qui se relayent autour de lui. Il y a un anard qui l'entrevoit à un moment, c'est Lierre Courtois, qui a aussi écrit des bouquins sur le bagne que vous avez sûrement ici, qui sont très très bien, qui sont une espèce d'enquête beaucoup plus systématique que Duval. Et lui, il est peintre, donc il est appelé pour peindre la palissade qui entoure la case de Dreyfus, donc qui ne voit rien à l'extérieur. Et Lierre Courtois l'aperçoit, mais n'entre pas en dialogue avec lui, pas spécialement. Mais les échos du bagne en général et la condamnation de Dreyfus alertent la Ligue des droits de l'homme, qui publie, je ne sais plus la date, un rapport sur le cas de 5 détenus des îles du Salut, parce qu'ils ne pouvaient pas faire que sur Dreyfus. Donc ils prennent aussi, il y a en tout cas deux ou trois anarchistes dans le lot, dont donc ça concourra sans doute à la révision du procès de Dreyfus, et aussi pour deux des anarchistes condamnés, ou un anarchiste et un autre, ça leur fera une réduction de peine, ça leur permettra de rentrer en France assez rapidement après la publication de ce rapport. Donc voilà, même des initiatives bien pensantes peuvent avoir un petit effet. Aussi, toute cette histoire, elle est bien antérieure à des récits qu'on a connus mieux par la suite, que ce soit Alexandre Jacob, que ce soit Albert Londres, que ce soit Dieudonné ou d'autres, qui se situent plutôt dans les années 20. Là aussi, il y a eu des bouquins assez intéressants d'officiers de l'armée du salut qui étaient envoyés en Guyane pour sauver les âmes, et puis qui se sont rendus compte qu'il y avait des tâches plus urgentes à faire pour sauver les âmes et peut-être donner des résultats aussi un peu plus probants. Alors, depuis... Après la publication de la première édition, il y a près de 30 ans, il y a eu donc pas mal de nouvelles choses qui ont été publiées, notamment la thèse de Jean-Marc Delpech sur Jacob, et quelques autres travaux sur les anards au bagne, plusieurs autres, et puis des travaux plus généraux sur le bagne. Il y a toujours un peu le pire et le meilleur, parce que c'est quand même aussi un papillon, c'est pas un hasard. Des histoires croustillantes, ça arrive aussi. Et puis, alors, pour les sources actuelles, la mise en ligne de journaux et de fonds d'archives, ça change tout. Moi, quand j'étais aux archives d'Aix-en-Provence, j'avais un cahier, un stylo et un crayon. Mon stylo s'est épuisé, mon crayon s'est cassé, je copiais à la main. Les photocopies coûtaient très cher, pour mon budget d'ailleurs en tout cas. Donc j'ai copié beaucoup de choses à la main et j'ai beaucoup moins. Donc il n'y avait pas de scanner, je n'avais pas d'appareil photo qui puisse faire de la repro comme ça. Et on pouvait commander, je crois, trois boîtes à la fois, ce qui était horriblement frustrant. Donc après, c'est quand même. J'ai réussi à convaincre la conservatrice que j'étais quasiment une collègue elle m'a permis de monter au grenier où étaient conservées les archives, avec des couches de poussière pas possibles. Contrairement à beaucoup d'autres archives, les archives du bagne, le délai c'est de 100 ans. C'était 120, entre 120 et 100, plus ou moins. Et moi j'ai vraiment l'impression que c'est pas pour protéger les condamnés, mais pour protéger les gardiens et leurs familles. Parce qu'il y a des noms tout le temps de commandants, de gardiens, de responsables, d'administratifs, d'administrateurs pénitentiaires, pénitentiaires. Et donc c'est ça qui est délicat. Quand on voit les exactions auxquelles ils sont livrés contre les détenus, c'est peut-être ça qui est plus grave. Mais de toute façon, j'ai pu accéder à des... Il y a des registres gigantesques qui à la main. Il y a énormément de correspondances qui a été saisie. Des lettres et des lettres. Je sais pas, la femme de Duval lui écrit. Et puis on voit une petite vignette comme on met sur les... Je sais pas comment je mettais sur les gâteaux d'anniversaire avec un petit chien. Puis il lui dit, ça, est-ce que ça ne te rappelle pas notre miquette ? La lettre est saisie, et la vignette qui aurait, je sais pas, je me dis, une vignette bébête comme ça, ça aurait peut-être pu lui rajouter un peu le cœur au brave Duval. Non, saisie. Des lettres peut-être un peu imprudentes aussi, qui l'envoie à des gens qui essaient de faire partie clandestinement, puis qui ont été saisies. Ben voilà, qu'est-ce que... Oh, je peux continuer pendant 2 heures si vous voulez. Mais... Bah, un peu comment il s'est évadé, puis quel accueil il a eu à New York, ça, après. Ouais, alors... Donc, en 1902, à peu près, il avait fait 15 ans au Gil, et il a eu ce statut de libre sur le continent, semi-libéré, et là il crève la dalle, vraiment, mais il peut discuter avec des copains, et sur les circonstances précises de son évasion, il est très évasif. Donc il semble qu'il est... La première étape, c'est toujours le Suriname, qui est la Guyane hollandaise, puis ensuite... Trinidad, Tobago, et de là, il écrit, il reprend contact avec des copains, et je ne sais pas comment il arrive à être en contact, peut-être bien par Jean Grave, avec lequel il correspondait à Paris, ou par d'autres, je ne sais pas. Il arrive à entrer en contact avec des vannards français à New York, qui ne sont pas nombreux, ils sont fauchés, et puis ils disputent. Et je pense que c'est par eux, c'est eux qui proposent aux copains, enfin qui parlent de Duval aux copains italophones, qui disent mais qu'ils viennent, on l'accueille. Alors ils le prennent en charge, et ce sacré Duval, il va vivre encore 30 ans. Donc il meurt à 85 ans à New York. Et il sait la fin de ses mémoires, j'ai publié de brefs extraits parce que c'est vraiment très... C'est déprimant. Il a quelques contacts avec les gens, mais il s'en méfie, il est pas à l'aise, il trouve pas de boulot, il est pas content d'être dépendant de l'aide de ses copains. Il a toujours essayé de faire venir sa compagne au bagne. Elle demandait aussi à y aller, et puis ça a toujours été refusé. Donc finalement, quand il est à New York, il arrive à la faire venir. Il y a 17 ans qu'ils ne se sont pas vus. Lui, il n'a pas touché une femme pendant ce temps-là. Ça ne se passe pas très bien. Au point qu'elle reste, je ne sais pas si c'est quelques semaines ou quelques mois, et puis elle repart. Donc il est encore... Voilà. Il a des... gros problèmes sexuels sur lesquels il s'étend un peu, pas de manière très passionnante. Et puis bon, il suit quand même, il écrit aux journaux, il apprend la mort de certains de ses copains, il donne des... Voilà, il n'est pas complètement coupé du monde, mais il n'arrive jamais à s'intégrer et à reprendre un peu de punch, sauf effectivement en écrivant ça, qui est formidable. Et c'est quand même étonnant que ça a piqué la curiosité de francophones en se disant, ça a été publié d'abord en feuilleton, en partie dans la Giornata dei Repertori, et puis en volume plus tard, mais avant la mort de Duval. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des gens qui se sont dit, il y a peut-être un manuscrit quelque part, ou est-ce qu'ils se sont dit que Galeani avait reconstruit d'après la parole. Mais Galeani se présente vraiment comme traducteur. Il y a quelques passages qui ont été retraduits, notamment dans l'En dehors d'Armand, mais très très peu. Donc ça restait un peu un personnage mythologique, dont on savait des bribes, dont on connaissait un petit peu par d'autres, mais dont la réputation au bagne a duré bien après sa mort. Où les gens disaient, il faut se conduire comme Duval. Jamais baisser la tête, jamais s'agenouiller. Donc c'est une belle leçon de morale. Même si c'était un mauvais garçon, peut-être. Je pense qu'on appelle mauvais garçon. Alors, grâce au fait qu'il y a beaucoup de journaux en ligne, j'ai enfin trouvé l'origine du nom la Panthère des Batignolles et le léopard du Panthéon. Alors, vous verrez, c'est une rengaine de café-concert de très mauvais goût, enfin très mauvais, pas pire que les autres, mais c'est votre nom, Cyprien, et vous, je m'appelle Constance, je demeure au Panthéon, moi je reste au Batignolles. J'adore les croquignoles et moi les cornichons. Et ding ding dong, la panthère du Batignolles, et ding ding dong, le léopard du Panthéon. Malheureusement, j'ai pas trouvé sur quel air on la chante. Quelqu'un peut me proposer une petite musique pour qu'on reprenne en cœur. Bon ben merci pour cet exposé, d'avoir ressuscité ce texte. Merci aussi à Nada de l'avoir édité parce que je crois que ça vaut le coup. Et puis c'est une belle édition, il y a des illustrations, tout ça. Et puis la parole est à vous, pour poser des questions. Alors en décembre, on devait parler du BAN parce que Jean-Marc Delpech devait venir. On avait acheté ce bouquin là, son bouquin qui a été réédité aussi. Ça c'est à l'ACL. Et puis il y avait c'était en pleine grève des trains, donc comme il venait du patron des Vosges, il n'a pas pu venir. Donc on rattrape le bagne aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même époque, puisque Jacob, lui, c'est après 1905, donc après l'évasion de Duval, donc ils n'ont pas pu se croiser, visiblement. Mais après, ce qu'il raconte, c'est la même chose, quoi. C'était l'extermination. D'ailleurs, oui, Jean-Marc vient de sortir un bouquin où il va sortir dans les jours qui viennent, c'est des textes de Jacob, ça s'appelle « Extermination à la française ». Et le titre est vraiment... Enfin, je sais pas si c'est un titre de Jacob ou si c'est les premiers éditeurs en insomniaque qui l'ont trouvé, mais c'est tout à fait ça, quoi. C'est de la mort lente, parce que là, on parle de grande concentration, on gâte tout le monde. Mais enfin, bon, vu les chiffres que tu as donnés, c'est quand même assez impressionnant ce qui s'est passé. Et après, oui, je voulais poser... Bon, la première question, c'est il n'a pas eu d'amnistie, tout ça, c'était trop tôt. Non, il n'a jamais... Je ne sais pas, il ne l'a peut-être même jamais demandé. Mm-hmm. Mais bon, il a vécu tout son temps à New York. Mm-hmm. Donc il n'a pas eu d'enfant, de descendance. Ce rédacteur de La Donata dei Raffattori qui t'a donné le manuscrit quand il t'accompagne au métro, et la personne, tu as dit, ne connaissait le nom que le pseudo, et en fait, toi, tu le sais, le nom. Si, bien sûr. On le connaît. Aux États-Unis, il publiait sous le nom de Marc Sartine. Il s'appelait Raphaël Chiavina. Il était parti d'Italie au début du fascisme, il était vécu à Paris et puis ensuite à New York, à Brooklyn. Pas New York, à Brooklyn. Merci. On trouve des choses sur lui dans les bouquins de Pavlovitch, sur les témoignages qu'il a recueillis, notamment sa compagne. Fiorina Rossi a témoigné auprès de Polavitch. tout le monde est séché, le fond barré. Bon, après, il n'y a plus qu'à le lire, hein, le bouquin, donc on en a quelques exemplaires. Là. Et vous en saurez plus sur Clément Duval. Mais c'est vrai que c'était avant que tu... La première édition, c'était un peu mythique, parce que il était cité, tous les bouquins sur l'illégalisme, il était cité. On parlait de ses mémoires, et donc, on se disait, ça serait bien de savoir ce qu'il a écrit. Quoi. Et puis, finalement, quand ça a été édité, c'était bien, quoi. Après, c'est un texte qui est... Ben, c'était pas un écrivain, hein, faut le dire. Donc, c'est un style qui est peut-être pas très, très agréable à lire. Mais là, j'ai vu que t'as rajouté... Je sais pas si c'était comme ça la première édition, mais il y a plein d'encarts avec des... Oui, il y avait déjà... Donc, les gens, c'était les comme ça, ouais. Plus, ouais. Sont... Donc, ça facilite peut-être la lecture. Moins de fautes. Ouais. Moins de fautes. Ben oui, parce que, justement, avec le travail sur les notices biographiques dans Métron et l'accessibilité des dossiers du bagne en ligne... On n'a plus besoin d'aller à un homme feuilleter les registres comme ça, ou trouver des numéros, ou faire des croisements. Donc on met un nom sur Internet, et puis hop, ils arrivent. Il n'y a pas tout, il y a quand même les fiches matricules. Donc j'ai effectivement entrecoupé le texte. C'est en général quand j'ai fait une coupure dans le texte que j'ai profité de mettre un encart. Qui explique un peu la situation ou qui donne des notices biographiques. Moi, je me suis attaché à ce style qui est brut de coffrage. Ouais. Mais il écrit quand même correctement. j'ai pas corrigé beaucoup de fautes d'orthographe. J'ai rétabli la ponctuation. Donc c'est toi qui l'as traduit? Ou c'était en version française peut-être. Non, c'était un manuscrit en français. Il a écrit en français. Ah oui, c'est les Italiens qu'on traduit, d'accord. Oui, oui. Mais. Oui, j'ai rétabli la ponctuation, mis un peu plus d'alinéa, mis le dialogue en forme, mais dans l'original, il y a beaucoup de dialogue. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même. Vivant. C'est bien, ça reconstitue. Après, c'est difficile de savoir. Si c'est uniquement fondé sur sa mémoire, ou s'il était arrivé à sortir quelques paplards du bagne, ou s'il a pu récupérer de la correspondance, ça, il n'en dit rien. Tu Mais, dis, tu, ouais. Vérification faite, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Les noms propres sont dans le manuscrit et dans le texte italien, sont plein de fautes, parce que c'est une tradition, on les transmet oralement. Donc il y a Maxime Thiervaux, qui s'appelle Kervaux, etc. Enfin, donc quelquefois ça a été difficile de retrouver les noms, mais voilà, quand on sait sur quel bateau ils ont été transportés, avec qui, on refait le poste. Et tu disais, donc, quand il arrivait à New York, il était aidé par les Italiens. Et après, il a réussi à vivre en travaillant ou pas? Ou il a toujours été assisté? Non, il a assisté des petits boulots temporaires. Ouais. Mais il était aussi... il avait les pieds et les mains déformés. Ah, donc, oui. Travailler dans la sécurité, c'est pas tellement facile. Il n'y a pas de menace d'expulsion parce qu'il faisait peut-être pas... Il n'avait pas une vie publique. Non, je ne sais pas du tout quel statut il a bien pu avoir. Peut-être qu'il... Moi, je pense qu'ils étaient assez rodés à la clandestinité, ces gens. Si Max Sartine a pu vivre 60 ans à peu près sous un faux nom, sans donner son adresse, parce qu'il avait... Ouais, il s'appelait Scavine, hein, il s'appelait Sartine, mais je crois que ses fils s'appelleront aussi, qui ont probablement le nom de leur mère. Encore, est-ce vraiment pas... Personne ne sait, enfin... Voilà, donc, planquer une personne de plus ou de moins, c'est peut-être pas très, très difficile. Pour ça, les États-Unis ont été quand même longtemps libéraux dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de déclarer son domicile dès qu'on change de commune. Professeur Elasian, s'il a été recherché par le... Il cherche... Alors, les archives du bagne cherchent pendant un temps, et puis quelquefois, on trouve une notice ultérieure, en disant, on a dit que, mais il renonce assez vite. Il n'est pas Interpol. Non, et puis voilà, c'est bon de barre en même temps, il veut moins nourrir. Je me demande en fait comment ça se passait pour au niveau des gardiens et des commandants des bagnes. Comment ça se passait au niveau des gardiens, des commandants aux bagnes? Est-ce qu'à un certain moment, après un certain nombre d'années de service, ils retournaient en France ou ils restaient toute leur vie là-bas, ils mouraient là-bas? Non, ils sont, le personnel d'encadrement, ils sont déplacés très fréquemment. Très fréquemment. Deuxième question, parce que... Il y en a qui sont... envoyés dans des planques, parce qu'ils s'emmerdent aussi. Depuis tant que c'est malade, depuis... Il y a aussi un milieu... S'ils ont des enfants, c'est pas très... un milieu très favorable, non plus à l'épanouissement. Donc ça change beaucoup. Et ils donnent aussi, Duval dit, arrivée du nouveau commandant, pas tous. Alors il y a des condamnés qui passent contre maître, donc qui ont le CM sur le bras, ça veut dire qu'ils sont, voilà, ils sont cooptés par les gardiens pour faire une partie du boulot d'encadrement. Les gardiens, il y a beaucoup de gens qui viennent des colonies. C'est facilite pas les relations harmonieuses entre les gens de personnel. Enfin, eux, ils sont vraiment... C'est la merde pour eux, parce qu'ils sont entre la hiérarchie supérieure et les condamnés, et puis tout le monde les déteste. Et ceux-là, je pense pas qu'ils soient déplacés souvent. Mais au niveau supérieur, évidemment, là, il y en a qui passent 2 ans, il y en a qui passent 5 ans, il y en a qui sont démis aussi parce qu'ils ne sont pas conduits correctement, mais c'est rarissime. Parce qu'il y a peu de... à ma connaissance, il y a peu d'informations sur le personnel du bagne. Il y a plus ou moins des rapports administratifs, mais... Ça ne me tente pas trop de mettre mon père là-dedans. Non, j'ai posé la question aussi parce que... tu as souligné que l'intervention de la Ligue des droits de l'homme, un certain moment après leur vote. Et qu'est-ce que, à l'époque, les journaux anarchistes existant en France, ils publiaient par rapport au bagne, est-ce qu'ils entretenaient des informations par rapport à ça? Et si en plus, les responsables de cet programme d'extermination, si on peut l'appeler comme ça, ils revenaient en France? C'est quand même pas l'époque où on disait toujours bonjour, merci aux responsables de la répression. Non, mais effectivement... Je me demande s'il y a eu des cas comme ça où des gens ils ont dénoncé certains commandants, ou ils sont allés les chercher. Il y a eu quelques reportages. Il y a un journaliste qui s'appelle Paul Mimonde qui a rencontré Duval au bagne, avec un bouquin qui s'appelle Forçats et proscrits, si je ne me trompe pas. En 1897, c'est assez intéressant. C'est pas sans préjugés, bien sûr, mais il va voir à peine que la nuit de la terre. Mais il dit quand même des choses assez réelles à des moments. Il est paternaliste. Et puis, il y a un anarque que j'aime bien, qui s'appelle Victor Caille, qui est marin. Il est arrivé plein d'autres aventures, mais à un moment il est sur le bateau qui va livrer du matériel au lieu du salut, et donc il rencontre Duval essaye de lui faire passer une lettre qui est interceptée, donc Kyle ne pourra pas, va être aussi déplacé, il ne va pas pouvoir retourner au lieu du salut, mais il témoigne aussi. Il est libre, il est matelot. Donc voilà, il y a quelques témoignages qui donnent des idées, il y a quelques lettres quand même qui parviennent. petites actions de solidarité, on essaie de trouver du fric, on essaie, notamment justement par exemple pour la campagne de Duval, il y a une campagne dans les journaux anarchistes qui récolte du fric pour qu'elle puisse partir, rejoindre son mari, puis finalement ça ne se fait pas. Mais par contre, même les libérés, donc, même si elle a fait le doublage, donc 8 ans de travaux forcés plus 8 ans de résidence, si vous les rentrez en France, ils n'avaient plus de peine, ils devaient payer leur voyage. Alors là. Donc, après, il y a toujours des dossiers, des rumeurs comme ça, quand il y a des anarchistes richissimes qui sont prêts à financer les évasions, etc. Et puis c'est... Voilà. Pascal Berland, c'est quelle année ça? Les années 30? Albert Londres, oui, c'est plus tard. Oui, ouais. C'est plus de quand date le premier. Est-ce que c'est vraiment campagne de presse et un peu grâce à lui si ça ferme le bagne, non? 1924, voilà. Première édition. D'accord. Lui, il rencontre Dieudonné aussi, qui est déjà évadé. Donc effectivement, la correspondance de Jacob avec sa mère, par exemple, je ne sais pas si les conditions s'étaient un petit peu allégées pour permettre tant d'échanges de correspondance qui a pas été saisi, qui est parvenu. Parce que Duval, il y a vraiment des lettres importantes qui sont dans son dossier aux archives d'outre-mer, aux archives du Bagne. D'autres questions ou on discute autour d'un verre? Oui, le verre. Bon, donc merci Marianne de nous avoir présenté ce bouquin, d'avoir réédité avec les amis de Nada. Donc on en a plus que 4 exemplaires, si vous voulez. On a sorti le lire pour toi dont tu as parlé, mais il fait partie de la bibliothèque. Mais on l'a eu en stock parce que l'éditeur avait cesser ses activités, et à un moment il y en avait plein, mais c'était diffusé à Toulouse notamment, mais là je regardais, on n'en a plus. Et puis là par contre, pour la venue de Jean-Marc, on avait commandé son bouquin, donc si ça vous intéresse, donc là c'est Jean-Marc, lui il a fait une thèse d'histoire sur Jacob, donc c'est toute sa vie, hein, c'est pas que le bagne, hein. Enfin le bagne occupe une place importante, parce que je ne sais pas combien d'années il y a passé, mais il a dû y passer de 30 ans, quasiment, 25 ans. Donc c'est aussi intéressant. Donc voilà. Donc les bouquins sont disponibles. Pour les adhérents du CIRA, ils sont dans la bibliothèque, ils peuvent les emprunter. Et ceux qui veulent les acheter, et si c'est trop cher pour vous, on pourra vous faire une réduc même. Voilà, bon, merci Marianne. Bon, bravo.